Fefe Lamborghini, Gucci Versace. J'connais pas mes limites, j'ai pas envie de m'attacher. Fefe Lamborghini, Gucci Versace. J'connais pas mes limites, j'ai pas envie de m'attacher. J'suis à fond dans le gamos, j'roule sans permis normal, j'ai pas de papier, pas mons. J'viens de croiser la flic à Higuain de Chicanos. Harbi à pommade. Vous allez où? Ça sera pas possible ce soir. Pourquoi ça sera pas possible? On a l'habitude. Tout le temps on a l'habitude. Ils sont là, c'est pas vos problèmes de tête. Ils sont au vide carrément. Je peux dire tape 31. Bonsoir les gars. Bonsoir mon gars, t'es comment? Ouais, je vais. Il y a déjà un jour. Ça va? C'est comment, Moulou? Ouais, je vais rentrer. Viens, viens, viens. Ça va? C'est passé. Oh là là, c'est comment?